la vie, ça ne se passe pas comme ça. Au juste au cinéma, où l'amour triomphe. Mais la vie s'occupe toujours de ça, ses peurs et les amours. Ça ne se passe pas comme